Akamaren laugea edatuko duen antena beharrezkoa ikusten du Kristin Zerkuzine auzapezak bere erriak desaiten dituen gune xuriak desagertarazteko. Pour la commune, nous avons beaucoup de zones blanches. Voilà, donc on a eu l'occasion de rentrer dans un programme qui est la couverture ciblée des zones blanches sur laquelle les quatre opérateurs peuvent se mettre. Donc nous, on a sauté sur l'occasion. Baina proiektu horrek aserrea pizten du eta Akamareko 15 bat biztanle bildu dira errekurtso bat pausatzeko antenaren kontra, haien erranetan antena ez da beharrezkoa. Manu Luar talde hortan da. Ces habitants qui vivent ici à entre 200-300 mètres et 1 km de l'antenne, on n'est pas en zone blanche. On capte très bien, on a plein de 4G. Nous, on n'en a vraiment pas besoin pour communiquer ici autour et on comprend du coup pas pourquoi cette antenne a été mise dans notre quartier. Proiektu horren kontrako lehen argudioa paisaiaren handeatzea da, baina azpimarratzen dute ere herritarrek herriko etxearen egin moldea, kontzertaziorik gabe eraman baita proiektua. On a découvert ce projet par hasard parce que la mairie et les élus de CAM n'ont pas du tout communiqué avec les riverains et les gens concernés, donc tout s'est fait dans le silence et c'est un des voisins ici qui a découvert par hasard en se baladant un matin le panneau d'affichage de construction de cette antenne. Eriko etxak interes orokorraren lehentasuna argudiatzen du. Oui, je peux comprendre l'inquiétude des gens, mais à côté de ça, on en a besoin. C'est notre leitmotiv. On a besoin de cette antenne pour couvrir le territoire. Nous, on a voté en délibération du conseil municipal, cette antenne, on la veut. Astazken untan, erritar taldeak pausatu errekurtsoa aztertuko du paueko auzitegiak. Anartean, antena jasango duen pilonoa jadanik instalatua da, eta udaberriko martxan izango dela espero du auzapezak.